équipe, Crimo et Beto, enfant du béton. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ils nous mettent la pression, on subit l'oppression. On frictionne le mic pour éviter les dépressions. Mauvaise impression, c'est ce qu'on leur fait. Les idées de l'UMP, ça c'est ce qui leur plaît. Donc on grappe des couplets, mais ça part dans le vide. Les CRS t'accueillent à coups de latte dans le bide. À coups de claque dans le pif, coups de dico dans les chicots. Dis-moi combien de personnes sont mortes au comico. Aussitôt, ils maquillent ça en suicide. Admettre une bavure policière, ça c'est pas possible. Bizarrement c'est toujours les mêmes qui sont pris pour cible. Et ils laissent vivre gentiment les gens les plus toxiques. Pour le fric, ils oublient la moralité. Les gens qui crèvent dans la rue sont une banalité. Bienvenue dans le pays des inégalités. Les droits de l'homme, mon cul, on n'est que des vaches à lait. La rue nous guette, nous prend, nous jette. Pendant que la politique qui nous dirige nous vise. Et au final nous brise, je crise. Car le destin on veut le vivre. Libre, Crimo, Beto, sur le qui-vive. Soldat, tout type, à l'offensive. Car le système nous peine, nous freine. Et au final nous sème. Les flics peuvent nous fuir derrière les barreaux. La vie m'est chère, peu importe son tarot. Au taré du sarco, le peuple sera son bourreau. Ton 4 planches de bois, fabriqué à sa taille. Il ne sera plus de taille, aïe, à moins qu'il taille. Nous marchons, on crève, dans ce monde qui nous soulève. Il n'y a plus Adam et Ève, l'arbre ne fait jamais grève. La vie est ainsi faite, de ci de là. Armand doré, jamais facile. Prends une bouffée d'air, et puis c'est parti. Nous contre l'État, c'est le retour des zombies. Et d'après ce qu'on dit, le rap était maudit. Interdit en radio, mais qui crée les conflits? Est-ce les rappeurs ou est-ce Sarkozy? Qui parmi nous a fait preuve d'hypocrisie? C'est notre poésie, notre philosophie, qui reste simple et vrai, qui pense au profit. Et je trouve ça chelou, ça sa gueule partout. Dès que je l'entends, ça me pousse à ce que je casse tout. Regardez ce qu'il fout, bourré par Poutine. S'affiche devant le monde, qu'est-ce que t'imagines? À quoi on se destine? Qu'est-ce qu'il nous dessine? Un avenir atroce, la France en ruine. On ne veut plus t'entendre à la télé. Tu vis pas non vie, donc ne viens pas t'y mêler.